De la prochaine chanson s'intitulait « Je t'offrirai ». Elle était chantée par Ginette Renaud, chanteuse canadienne en 1974. Et une version plus jazzy a été reprise par Émilie Claire Barlow, une doubleuse canadienne, également chanteuse de jazz, extrait de son 9e album « Seul ce soir », sorti en 2012, des croissants de soleil, Émilie Claire Barlow. Dans l'espoir d'un retour, pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée sur un plateau de drap et doré. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une musique venue d'un ciel de mai que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Thank you. rose. La vie en rose, c'est une chanson d'Édith Piaf créée en 1945. Et alors là, il faut que je vous raconte. Nous sommes dans les années 40. Édith Piaf nageait alors en plein bonheur avec Yves Montand et elle imaginait une mélodie qu'elle intitula « Les choses en rose ». Quelque temps plus tard, elle rencontra la chanteuse Marianne Michel, à qui elle fredonna sa nouvelle création en lui disant « Bon, cette chanson n'est pas pour moi, tiens, je te la donne ». Alors Marianne Michel interpréta la chanson à la radio et ailleurs, en remplaçant « Les choses en rose » par « La vie en rose ». Et elle obtint un énorme succès. Alors là, rouge de rage, agacée par le triomphe de Marianne Michel, Édith Piaf décida alors de se réapproprier sa création, normée. Elle voulut la déposer à la SACEM, ça fut guère possible, parce qu'Édith Piaf était agréée comme auteur, mais pas comme compositrice, et il fallait un compositeur. Il fallait trouver quelqu'un pour signer la chanson. Alors elle sollicita dans un premier temps Marguerite Monod, célèbre compositrice, qui travaillait déjà pour Édith Piaf. Et on soupçonne même Marguerite Monod d'avoir un peu participé à la composition finale de la chanson. Et la guide, c'est la guide Marguerite, et la guide refusa en disant « Non mais ça va pas, jamais de la vie je signerai une telle niaiserie ». Alors c'est finalement le compositeur Louis Guy qui accepta de prêter son nom pour l'enregistrement à la SACEM. La vie en rose, c'est une des chansons les plus célèbres au monde. La vie en rose, Édith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Et maintenant, Champs-Élysées, une chanson interprétée par Joe Dassin en 1969. C'est l'adaptation par Pierre Delanoë de la chanson Waterloo Road. En France, le single s'écoulait à 500 000 exemplaires et atteint la deuxième place des ventes. Ce disque est utilisé par l'ambassade de France au Japon pour promouvoir le pays. Et puis, à l'occasion de la Coupe du monde de football en 2018, hein, c'était pas si vieux ça, une reprise fut publiée par le magazine SoFoot. Les paroles font référence au joueur N'Golo Kanté, qui fait figure d'exemple aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Champs-Élysées, Joe Dassin. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Mademoiselle Fizz, vous connaissez? Non? Je vais demander à Antoine, qui est également présent dans notre émission aujourd'hui. Tu connais Mademoiselle Fizz? Il me fait signe, il n'a pas de micro, mais c'est très bien. Non plus. Ben, c'est une Québécoise, chanteuse et styliste. Elle a été initiée à l'univers de la musique jazz par de talentueux jazzmen qui l'ont pris sous leurs ailes. Elle a tout pour elle, Antoine. Elle est jolie, féminine, mince, un sourire radieux, talentueuse, un charme fou, un charisme à toute épreuve et bien sûr une voix chaude et sensuelle, Antoine. Un son unique, un son qui lui colle à la peau et qui nous fait vibrer, un son tout en douceur qu'on savoure en fermant les yeux et qui nous transporte ailleurs. J'ai oublié le jour, Mademoiselle Fizz. J'ai oublié le jour, le nom de la rue. J'ai oublié mes bagues sur ton piano. Mais jamais j'oublierai comme c'était bon, comme c'était chaud. Je vais toujours me rappeler que t'as pas essayé de m'impressionner. T'étais pas le plus beau ni le plus doux, et on a ri ensemble des autres fous qui font l'amour comme on apprend dans les livres ou dans les vues. J'ai oublié le jour et le nom de la rue. T'étais pas là pour me rassurer, t'étais pas là pour me consoler, mais m'écouter comme j'en avais besoin. J'ai oublié le jour, le nom de la rue, j'ai oublié mes bagues sur ton piano. Jamais j'oublierai comme c'était bon, comme c'était chaud. Je vais toujours me rappeler que t'as pas essayé de m'impressionner. Oui, le papier toilette, oui. Faut toujours en avoir sur soi, les gars. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, une chanson qui doit son existence au papier toilette. Un jour, en plein été 1943, alors qu'il se rendait en train de Montpellier à Perpignan, accompagné de son pianiste Léo Choliac, de Francis Blanche, de Roland Gerbeau, Charles Trenet eut l'idée d'une chanson en regardant défiler les temps de taux par la fenêtre du wagon. N'ayant pas sur lui sans garder de notes, Charles Trenet demanda à Francis Blanche d'aller dans les toilettes du train et de lui rapporter du papier hygiénique. Il écrivit les paroles de la mère sur du PQ sans s'imaginer une seule seconde l'incroyable destin que connaîtrait cette chanson, la mère Charles Trenet. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés

Armstrong est une adaptation de Go Down Moses, chantée par Claude Nougaro sur des arrangements de Maurice Vander, sorti en 1965. Alors que les paroles originales sont inspirées de la Bible, le texte de Claude Nougaro se veut à la fois un hommage à Louis Armstrong et une ode à la tolérance, tournant le racisme en dérision. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ça serait rigolo. Au-delà, nos oripeaux noirs ou blancs sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Armstrong, Claude Nougaro. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je broie plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans, sans, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Et pour suivre, une chanson écrite par Didier Barbolivien et proposée à une jeune chanteuse, Émilie Bonnet, qui, sur les conseils de sa manageuse, refusa la chanson. Alors, Didier Barbolivien la proposa alors à Nicoletta. En Nicoletta, elle était fort occupée par un opéra qui se jouait à Angers. Du coup, elle laissa passer la proposition et c'est Patricia Cass, la jeune chanteuse Lorraine, qui hérita de cette chanson aux paroles fortes et réalistes, Mademoiselle chante le blues, Patricia Cass. Fond d'un HLM, y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine.

Et c'est ainsi que ça... Comment ? Ah ben non, 60 minutes les enfants, ça fait une heure, et une heure c'est 60 minutes. Ah ben non, mais et on n'est pas sur C8 ici, hein, on n'est pas avec Cyril Hanouna. Vous savez, vous avez remarqué, il n'y a pas une émission qui se termine à l'heure. Ce qui fait que c'est marrant quand vous voulez vous brancher sur une émission d'une autre chaîne. Eh ben vous arrivez à la bourre si vous allez jusqu'au bout de l'émission d'Hanouna. Ou alors, si vous voulez carrément changer de chaîne avant la fin... Eh bien, le plus important, l'émission de Cyril Hanouna, ben vous ne l'avez pas. Bon, enfin, c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 22, consacrée cette semaine au jazz dans les chansons françaises. Alors, je vais remercier Guillaume et Yves pour la technique, et puis à Antoine qui a bien voulu assister à cette émission et qui, je pense, sera de service pour la technique la semaine prochaine. Merci à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux en écoutant Radio Faget Nancy 94.2, ça c'est pour les Lorrains, ou sur le net faget.net en ligne pour les autres Européens. Allez, au revoir.